Courage arraché à Primo Levi, une émission de Jan Kornikov. Aujourd'hui, Georges Semproun, écrivain. Georges Semproun, vous avez intitulé un chapitre de votre dernier livre, L'écriture ou la vie, le jour de la mort de Primo Levi. Est-ce que c'est un écrivain qui a marqué votre vie? C'est un écrivain qui a marqué ma vie à partir du moment où je suis devenu écrivain. C'est-à-dire que j'ignorais tout de Primo Levi jusqu'en 1963. En grande partie parce que j'étais déterminé à ignorer la littérature, les livres, les témoignages sur les camps de concentration, puisque pendant toute cette première période au retour des camps, de 45 à 61, 62 en gros, j'ai essayé d'oublier, je suis parvenu d'ailleurs. Donc je n'ai pas lu les livres sur les camps, c'était la meilleure façon évidemment de ne pas me souvenir. Je n'ai lu, parce que c'était un ami, que le livre de Robert Antelme, L'espèce humaine, et le livre de David Rousset, Les jours de notre mort. Et c'est des livres qui ont été publiés très vite au retour, donc après je suis rentré dans une grande période de silence et d'oubli. Et je n'ai donc découvert Primo Levi qu'en 1963. Et à partir de là, il a beaucoup compté pour moi. À partir du moment donc où j'ai commencé à écrire moi-même. Oui. D'ailleurs, il y a une coïncidence entre la parution de votre premier livre sur le sujet, c'est-à-dire 16 ans plus tard, Le Grand Voyage, et La Trêve, qui était le premier livre que vous avez lu de lui. Oui, il y a une coïncidence qui est assez étonnante, parce que finalement, c'est Questo un uomo, si c'est un homme, c'est son premier livre que je lui ai donc lu après, bien après. A été publié et passé inaperçu. Et c'est 14 ou 15 ans après qu'il écrit La Tregua, La Trêve. Et c'est par là que je commence. Et ce livre est publié à quelques semaines de distance du Grand Voyage. Et je l'ai lu ayant déjà écrit ce livre. Et d'après, j'ai lu les autres. Et depuis lors, je n'ai pas cessé de lire Primo Levi jusqu'au tout dernier texte, que j'ai lu attentivement tous. Mais c'est vrai, il y a entre le premier livre qui passe inaperçu, qui tombe dans le silence, et son deuxième livre, le même temps qu'il y a entre mon silence à moi et le premier livre. C'est comme s'il fallait, l'espace d'une génération, c'est à peu près ça, l'espace d'une nouvelle génération de lecteurs, pour qu'il y ait la possibilité de revenir, d'être attentif, d'être à l'écoute de cette expérience que, après 45, après le retour des camps, après la libération, après la paix de 45, on a voulu oublier, systématiquement. La société a voulu oublier. Nous avons réagi pareil au début, c'est-à-dire le besoin était là. Moi aussi, j'avais le besoin d'écrire. Lui, il a réussi à écrire. C'est-à-dire que lui, il le dit de façon tout à fait claire et pertinente, avec cette précision de l'homme de science qu'il a aussi dans son écriture. Il n'est pas ingénieur chimiste pour rien. Il a toujours dit qu'il voulait, dans la littérature, essayer de retrouver cette précision et cette concision des rapports scientifiques. Il a dit très clairement, donc, que c'est à cause de son écriture qu'il est revenu à la vie. À cause de son écriture, parce qu'il a réussi à écrire. Moi, j'avais le besoin d'écrire et je ne suis pas parvenu à écrire. C'est-à-dire que je suis parvenu à écrire, mais avec la sensation que je ne revenais pas à la vie, mais au contraire, je restais dans l'expérience de la mort, dans la mémoire de la mort, et que donc il fallait m'arrêter, il fallait faire le choix qui donne le titre au dernier livre, l'écriture ou la vie. Donc, au départ, comme ça, le besoin d'écrire est le même. Je ferai quand même une différence, parce que c'est une chose qui me frappe beaucoup, plus je lis Primo Levi et plus je connais ses interviews postérieures, il y a chez lui un besoin de témoigner, de faire savoir. Une volonté acharnée. Son dernier livre revient tout sous forme fait. Presque d'essai. Oui. Hein. C'est un essai. C'est un essai qui reprend toute la matière par chapitre, classé, scientifiquement classé, qui énumère, qui analyse tout le phénomène concentrationnaire. C'est les naufragés, les rescapés. Ils sont mergés et salvati. C'est un livre où il revient jusqu'à la fin. Je n'ai pas eu, moi. Comme une obsession. Oui. Moi, je n'ai pas eu cette obsession. Mais lui, il a eu cet acharnement. Peut-être, parce qu'il a connu l'expérience la plus dans cet enfer, dans ce cercle de l'enfer, qu'est l'expérience concentrationnaire nazie, il a connu le dernier cercle de l'enfer, c'est-à-dire Auschwitz. Et il a connu l'extermination du peuple juif, oui, à Auschwitz. Et que donc, ça, peut-être est-ce là qu'il faut trouver cette espèce de volonté de témoigner encore plus que pour un déporté résistant, un homme de la résistance, un politique, disons, qui, lui, il avait besoin de plus de témoigner de cet énorme massacre, de ce génocide du peuple juif. Peut-être là, y a-t-il une raison. C'était quatre jeunes soldats à cheval qui avançaient avec précaution, la mitraillette au côté, le long de la route qui bornait le camp. Lorsqu'ils arrivèrent près des barbelés, ils s'arrêtèrent pour regarder, en échangeant quelques mots brefs et timides et en jetant des regards lourds d'un étrange embarras sur les cadavres en désordre, les baraquements disloqués et sur nous, rares survivants. Ils nous semblaient étonnamment charnels et concrets. Suspendus, la route était plus haute que le camp, sur leurs énormes chevaux entre le gris de la neige et le gris du ciel, immobiles sous les rafales d'un vent humide, annonciateur de gel. Il nous paraissait à juste titre que le néant plein de morts dans lequel nous tournoyons depuis 10 jours comme des astres éteints avait trouvé un point fixe, un noyau de condensation. 4 hommes armés, mais pas contre nous. 4 messagers de paix au visage rude et puéril sous leur pesant casque de fourrure. Ils ne nous saluaient pas, ne nous souriaient pas. À leur pitié semblait s'ajouter un sentiment confus de gêne qui les oppressait, les rendait muets et enchaînait leurs regards à ce spectacle funèbre. C'était la même honte que nous connaissions bien, celle qui nous accablait après les sélections et chaque fois que nous devions assister ou nous soumettre à un outrage. La honte que les Allemands ignorèrent, celle que le juste éprouve devant la faute commise par autrui, tenaillée par l'idée qu'elle existe, qu'elle a été introduite irrévocablement dans l'univers des choses existantes et que sa bonne volonté se soit montrée nulle ou insuffisante et totalement inefficace. C'est pourquoi pour nous aussi l'heure de la liberté eut une résonance sérieuse et grave et emplit nos âmes à la fois de joie et d'un douloureux sentiment de pudeur, grâce auquel nous aurions voulu laver nos consciences de la laideur qui y régnait. Et de peine, car nous sentions que rien ne pouvait arriver d'assez bon et d'assez pur pour effacer notre passé, que les marques de l'offense resteraient en nous pour toujours, dans le souvenir de ceux qui y avaient assisté, dans les lieux où cela s'était produit et dans les récits que nous en ferions. Car, et c'est là le terrible privilège de notre génération et de mon peuple, personne n'a jamais pu, mieux que nous, saisir le caractère indélébile de l'offense qui s'étend comme une épidémie. Il est absurde de penser que la justice humaine l'efface. C'est une source de mal inépuisable. Elle brise l'âme et le corps de ses victimes, les anéantit et les rend abjectes. Elle rejaillit avec infamie sur les oppresseurs, entretient la haine chez les survivants et prolifère de 1000 façons contre la volonté de chacun sous forme de lâcheté morale, de négation, de lassitude, de renoncement. C'est comme si lui croyait, par la parole, par l'écriture, il arriverait à changer les choses, à faire en sorte que ça ne se reproduise jamais. Comme s'il y croyait, et comme si le jour où il a cessé d'y croire, il s'est suicidé. Oui, ça c'est la question qu'on... C'est une hypothèse. Le suicide est toujours mystérieux, et il faut respecter ce mystère. Il ne faut pas en faire des paroles journalistiques, même avec la tendresse et l'amitié qu'on peut porter à sa mémoire. Mais il est évident que... Il s'est passé en Europe une série de choses, les dernières années de la vie de Primo Levi. Il y a eu cette discussion des historiens allemands, il y a eu une recrudescence du négationnisme et du révisionnisme. On a commencé à entendre des thèses très élaborées disant finalement le nazisme ce n'est que la réponse au goulag soviétique, donc c'est excusable. Enfin, vous voyez des choses comme ça. C'est un amalgame. Amalgame. Et peut-être a-t-il senti à ce moment-là des arrois de dire maintenant c'est fini, maintenant je ne pourrai plus jamais être entendu vraiment et que ma vérité, la vérité soit généralisé. Peut-être y a-t-il là une des raisons, il y a d'autres raisons. Il les a dit lui-même dans des très belles pages à quel point on a toujours des motifs et des raisons de se sentir étranger au monde quand on revient d'Auschwitz. Donc il y a beaucoup de raisons. Mais peut-être celle-là a été surdéterminante, celle de dire qu'est-ce qui va se passer maintenant? Personne ne nous croit plus. L'histoire est refaite, reconstruite, falsifiée. Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne vous êtes jamais rencontrés, mais vos destins d'écrivain se sont croisés à plusieurs reprises. Parce que là encore, dans votre dernier livre, vous parlez que le jour où vous commencez à écrire votre histoire sur les camps, des années plus tard, donc en 87, vous apprenez ce jour-là la mort de Primo Levi. Oui, donc le premier livre, Le Grand Brouillard, je l'écris sans savoir que Primo Levi existait, qu'il avait écrit. Le deuxième, oui, je le savais déjà, mais c'était un livre qui n'était pas en rapport direct avec son expérience d'écriture, qui m'a servi de façon beaucoup plus indirecte. Mais le troisième est pratiquement déterminé par sa mort. Déterminé dans le sens que, par hasard, en train d'écrire un autre roman, qui s'est appelé finalement « Nechayev est de retour », j'ai constaté que mon écriture ce jour-là dérivait vers autre chose et devenait plus personnelle, que c'était un autre livre qui était là, en train de s'écrire presque tout seul. C'était l'anniversaire de la libération de Buchenwald et l'inconscient m'avait joué un tour comme ça, il m'avait fait comme ça dériver vers quelque chose de beaucoup plus personnel que ce roman que j'étais en train d'écrire. J'ai mis les pages de côté et le lendemain même, le 12 avril 1987, la première nouvelle que j'ai entendue à la radio, c'était l'annonce de la mort de Primo Levi. Alors j'ai compris que c'était un signe. Oui. Que ce livre qui était né la veille allait être écrit, que je devais l'écrire, et qu'il allait être écrit avec la marque, avec le souvenir, avec la référence directe cette fois-ci à l'écriture du Primo Levi. Mm. Et à certaines phrases de lui qui m'ont marqué pour toujours, oui, à partir du moment où je les ai connues. Par exemple, vous pouvez... Par exemple, à la fin de la Trégua, il y a... La Trégua est un livre baroque, picaresque, plein de joie et de vitalité, où il raconte son retour à travers l'Union soviétique de l'époque, une espèce de voyage de 6 mois, rempli d'aventures, avec une curiosité de la vie qui est bien propre de lui, et où il y a, juste au début aussi, mais à la fin, une référence au camp. Bien. Et à la fin, il raconte son retour, il est rentré chez lui, en Italie. Il y a, tout à la fin, des phrases extraordinaires sur cette sensation de rêve. Et tout à coup, le rêve, l'idée, l'impression de rêver vous vient, et on peut être n'importe où, en famille, en vacances, à la campagne, dans un beau paysage, et brusquement la certitude vous envahit que tout ça c'est un rêve, que la vie n'a été qu'un rêve depuis le retour du camp, à Auschwitz pour lui, et que la seule réalité de la vie, c'était le camp. Et que tout le reste est un rêve. Et ça, c'est une impression, une vérité qu'il dit, un énoncé littéraire qu'il fait là, et qui correspond tellement à l'expérience, à notre expérience en général, que oui, ça a marqué l'écriture de ce dernier livre très profondément. Est-ce que ça vous embête de nous lire juste ces quelques passages en italien? Comme vous parlez l'italien, ça nous ferait plaisir d'entendre ces lignes qui sont superbes, qui fait la fin de la trêve. Oui, je parle italien, je sais à peu près le lire, je m'excuse d'avance, mon accent. Tutto era ora volto in caos. Sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo significa. Ed anche di averlo sempre saputo. Sono di nuovo in lager e nulla era vero all'infuori del lager. Il resto era breve vacanza o inganno dei sensi, sogno. La famiglia, la natura, in fiore, la casa. C'est-à-dire, je me trouve dans ce sort de chaos, je suis seul au centre d'un vide, d'un néant grisâtre et tourbillonnant. Et maintenant, je sais ce que cela signifie, et je sais aussi que je l'ai toujours su. Je suis de nouveau dans le camp, et rien n'a été vrai hors du camp. Le reste aura été vacances brèves, tromperies des sens, songes. La famille, la nature en fleurs, la maison. Pour quelqu'un comme Primo Levi, qui a une vie tellement ancrée dans ses racines familiales. Il a toujours vécu dans le même appartement de Turin. Il est né dans cet appartement. Il est mort dans l'escalier de cet appartement, dans la cage d'escalier. C'était pas n'importe quel suicide. Il a toujours vécu là. Il a toujours vécu dans l'appartement de ses parents. On dit que son bureau était installé à l'endroit de d'une pièce où son berceau avait été installé quand il était né. Il a écrit donc à l'endroit où son berceau a été installé quand il est né. Donc, pour quelqu'un qui est tellement enraciné dans ses souvenirs, dans cette famille, dire que tout était songe, y compris la famille et la maison, c'est dire la chose la plus terrible qu'on puisse dire. C'est-à-dire. Et c'est un sentiment que vous avez eu. C'est un sentiment que j'ai eu, que nous avons tous. Oui. Vous avez, je crois, un attachement particulier pour le système périodique qui. C'est-à-dire que j'ai un attachement particulier pour le système périodique parce que ce n'est justement pas un livre qui est directement un livre sur. C'est un livre où il prouve qu'il est écrivain. Je dois bien entendu faire un jugement sentimental, disons un jugement très intime et très personnel. Je dirais que je mets d'abord les livres, si c'est un homme, c'est oui, questo un homme, le livre, la trêve, le livre où l'expérience des cas est en premier plan, directement. Oui. Mais le système périodique est un livre qui m'intéresse et qui me bouleverse par moments et qui par d'autres me captive parce que c'est justement un livre d'écrivain où le monde de cette expérience personnelle est aussi dans ce livre, bien entendu, mais d'une façon beaucoup plus épurée, beaucoup plus filtrée, beaucoup plus élaborée. Et donc, j'ai l'impression, sur des récits très, très maîtrisés, courts, comme ça, en suivant de l'énumération, comme ça, métallurgique, non, des minéraux, le fer, l'or, ceci et cela, mais un livre très concerté, donc. Il manie une langue italienne qui est belle, mais qui est très, en fait, très efficace parce que elle est peu rhétorique, elle est très précise, pure. Très pure, très concise, n'est-ce pas? Il n'y a pas des superlatifs, il n'y a pas une accumulation d'adjectifs, elle est comme ça très, très, très, très, très désossée, très, très dénudée de toutes les adiposités comme ça de la rhétorique. C'est une très belle langue. Il y a d'ailleurs une autre nouvelle dans le système périodique. Peut-être ça vous est arrivé aussi de cette rencontre avec un ancien directeur de camp nazi, Müller, la fameuse nouvelle Müller en question, et son malaise à l'idée de le rencontrer. C'est-à-dire avec un directeur, avec un civil. Un civil, oui. C'est un civil allemand, pas un SS, pas un homme de la Gestapo ou de la SS. Un civil allemand, contremaître ou ingénieur dans une usine. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le camp d'extermination était aussi des camps de travail. C'est-à-dire qu'on exterminait une main-d'œuvre qui travaillait quand même. Sauf ceux qui étaient exterminés avant même d'être incorporés dans le système de travail, comme dans les sélections massives. Mais ça, c'était pratiquement exclusif du peuple juif. Mais donc, il retrouve cet homme. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Ça n'est jamais arrivé. C'est une expérience qui doit être terrifiante. C'est pour ça que la rencontre avec Müller, qui est retracée dans cette nouvelle, est un des moments forts, captivants de son œuvre. Et son, à la fois son envie de le confronter et sa fuite, sa peur panique de le rencontrer quand Müller lui propose un rendez-vous. La peur panique de le rencontrer, la peur panique de ce que ça va déclencher en lui et de ce qu'il va avoir à dire ou ne pas dire à Müller. Oui, ça c'est très beau, c'est très fort. Ça avait été mon désir le plus vif et le plus permanent dans mes années de l'après-lager, de me trouver d'homme à homme en train de régler les comptes avec un des autres. Ce désir n'avait été que partiellement satisfait par les lettres de mes lecteurs allemands. Non, elles ne me contentaient pas. Ces honnêtes et trop générales déclarations de repentir et de solidarité de la part de gens jamais vus, dont je ne connaissais pas l'autre face et qui, probablement, n'étaient pas impliqués dans l'affaire, sinon sentimentalement. La rencontre, attendue si intensément que j'en rêvais en allemand la nuit, était un face-à-face avec un de ceux de là-bas, qui avait disposé de nous, qui ne nous avait pas regardés dans les yeux comme si nous n'avions pas eu Dieu. Non, pour me venger, je ne suis pas un comte de Monte Cristo. Seulement, pour mettre les choses au point et pour dire, alors, si ce Müller était mon Müller, il n'était pas l'antagoniste parfait. Parce que d'une certaine façon, ne fût-ce que pour un moment, il avait eu pitié, ou seulement un rudiment de solidarité professionnelle. Peut-être moins encore, peut-être s'était-il seulement ressenti du fait de cet étrange hybride de collègues et d'instruments, qui était tout de même un chimiste, fréquentait un laboratoire sans l'Anstand, sans la dignité qu'exige le laboratoire. Mais les autres autour de lui n'avaient même pas éprouvé cela. Il n'était pas l'antagoniste parfait, mais c'est chose connue. La perfection n'est pas dans les histoires qu'on vit, elle est dans celles qu'on raconte. Page arrachée à Primo Levi, une émission de Diane Kolnikov. Aujourd'hui, Georges Semproun. Mixage, Noélie Louis-Marie, Éric Boisset. Réalisation, Jacques Taroni. Si c'est un homme, de Primo Levi. Nous avons lutté de toutes nos forces pour empêcher l'hiver de venir. Nous nous sommes agrippés à toutes les heures tièdes. À chaque crépuscule, nous avons cherché à retenir encore un peu le soleil dans le ciel. Mais tout a été inutile. Hier soir, le soleil s'est irrévocablement couché dans un enchevêtrement de brouillard sale, de cheminées d'usines et de fils. Et ce matin, c'est l'hiver. Nous savons ce que ça veut dire. Parce que nous étions là, l'hiver dernier, et les autres comprendront vite. Ça veut dire que dans les mois qui viennent, 7 sur 10 d'entre nous mourront. Ceux qui ne mourront pas souffriront à chaque minute, de chaque jour, et pendant toute la journée. Depuis le matin avant l'aube jusqu'à la distribution de la soupe du soir, ils devront tenir les muscles raidis en permanence, danser d'un pied sur l'autre, enfouir leurs mains sous leurs aisselles pour résister au froid. Ils devront dépenser une partie de leur pain pour se procurer des gants et perdre des heures de sommeil pour les réparer quand ils seront décousus. Comme on ne pourra plus manger en plein air, il nous faudra prendre nos repas dans la baraque, debout, sans pouvoir nous appuyer aux couchettes puisque c'est interdit, dans un espace respectif de quelques centimètres carrés de plancher. Les blessures de nos mains se rouvriront, et pour obtenir un pansement, il faudra chaque soir faire la queue pendant des heures, debout, dans la neige et le vent. De même que ce que nous appelons faim ne correspond en rien à la sensation qu'on peut avoir quand on a sauté un repas. De même, notre façon d'avoir froid mériterait un nom particulier. Nous disons faim, nous disons fatigue, peur et douleur, nous disons hiver, et en disant cela, nous disons autre chose. Des choses que ne peuvent exprimer les mots libres, créés par et pour des hommes libres qui vivent dans leur maison et connaissent la joie et la peine. Si les lagers avaient duré plus longtemps, ils auraient donné le jour à un langage d'une âpreté nouvelle. Celui qui nous manque, pour expliquer ce que c'est que peiner tout le jour dans le vent, à une température au-dessous de zéro, avec pour tout vêtement une chemise, des caleçons, une veste et un pantalon de toile, et dans le corps la faiblesse et la faim, et la conscience que la faim est proche. Comme on voit s'évanouir un espoir, ce matin nous avons constaté que l'hiver était là. Chacun s'en est aperçu en sortant de la baraque pour aller se laver. Il n'y avait pas d'étoile, l'air sombre et froid sentait la neige. Pendant le rassemblement, place de l'appel pour le départ au travail, dans les premières lueurs de l'aube, personne n'a parlé. Quand nous avons vu tomber les premiers flocons, nous nous sommes dit que si l'année dernière, à pareille époque, on nous avait dit que nous devions voir un autre hiver au lager, nous serions allés toucher les barbelés électrifiés. Que nous devrions y aller maintenant même, si nous étions logiques, s'il n'y avait pas encore en nous, tout au fond, cet espoir fou, irraisonné, que nous n'osons nous avouer. Car l'hiver, ici, n'est pas que l'hiver. Gwenaëlle Aubry lisait un extrait de « Si c'est un homme » de Primo Levi.